Bonjour et bienvenue dans la maison de Jérusalem pour ce nouveau message que j'ai intitulé Le chrétien et le compromis. Alors c'est par une première question que j'introduirai ce message. Êtes-vous un hypocrite ou êtes-vous un vrai chrétien ou une vraie chrétienne? Cette question, je la pose à tous les chrétiens et à tous ceux et celles qui écoutent aujourd'hui ce message. Son but et de parler à votre conscience. Si celle-ci est cautérisée, il aura donc pour effet, du moins je le souhaite vivement, de l'éveiller à une réalité, d'apporter l'éclairage nécessaire pour sa délivrance et lui communiquer la force pour sortir de son inertie. Si votre conscience est endormie, elle est paresseuse. Et ce thème aura également pour but de la réveiller et de la stimuler à l'action. En bref, le but que je me suis fixé aujourd'hui est de vous faire réagir. Reconnaissez que le don précieux de la vie nous a été donné par Dieu. C'est un cadeau que nous devrions apprécier si, je dis bien si, les conditions de vie étaient respectées. Or, comme nous ne pouvons le constater, non seulement dans notre vie personnelle, mais également dans la vie de notre prochain, de notre famille, de notre entourage immédiat, eh bien, ce n'est pas toujours. Le bonheur semble nous échapper et la vie devenir un lourd fardeau quotidien. Et pour nous, pour les chrétiens authentiques, les nés de nouveau, eh bien, ils désirent ardemment la quitter pour rejoindre Christ, leur seule joie. La cause au mal-être qui frappe de plein fouet ce monde, eh bien, c'est toujours cette vieille racine de péché qui se trouve en nous. Eh oui. Lorsque celui-ci est entré dans le monde, eh bien, toute la terre a été bouleversée. Toute la terre a été chamboulée et l'atmosphère physique et spirituelle totalement changée. Tout ce qui était bon disparu pour laisser la place au mal qui n'a cessé de s'amplifier et de se répercuter sur tous les êtres humains de tous les temps et de toutes les générations. Et pourtant, au milieu de ce chaos, une lumière salvatrice a jailli, le Christ. Mais malgré cet événement cosmique de la venue du Fils de Dieu sur la terre, eh bien les conditions de vie terrestre pour l'humanité restent apparemment inchangées. Mais plus que cela encore, le mal, nous le voyons tous les jours, va grandissant. Par contre, son œuvre de salut dans le cœur de chaque être humain qu'il invite à y résider apporte une guérison et une force jamais inégalée. C'est ainsi que chaque croyant authentique en Jésus-Christ ou en Yeshua, pour les Juifs, je dis bien, chaque croyant authentique reçoit une vie nouvelle qui lui permet de continuer à vivre dans ce monde mauvais, dans ce monde résolument déchu et voué à la perdition, de résister à son influence négative, de traverser avec Christ comme guide et Seigneur les innombrables épreuves qui surgiront sur son parcours, jusqu'au jour de sa délivrance finale qui interviendra par sa mort physique. Je vous rappelle que la mort n'est qu'un passage d'une vie temporelle à une vie éternelle, soit de tourment, soit de félicité. C'est ce que la Bible dit. C'est vous qui aurez choisi de la passer, soit en enfer avec le diable et ses démons, soit dans le ciel avec Jésus-Christ, avec les nés de nouveau, avec les rachetés, les élus, avec les enfants d'adoption du Père Céleste. C'est donc à présent et pendant que vous êtes encore vivant, pendant que vous êtes dans ce corps, que vous devez choisir. Un jour, vous quitterez ce monde matériel, vous laisserez derrière vous vos soucis, votre famille, vos amis, les biens matériels que vous avez et tout ce que vous êtes, c'est-à-dire cette enveloppe si faible qu'est votre corps, et votre esprit ira en enfer ou entrera dans le ciel, dans la patrie céleste. Eh bien, pour arriver à ce but, le chrétien né de nouveau doit travailler en vue de cette finalité. Et c'est un chemin étroit qui l'attend, et il n'en tient cependant qu'à lui de l'emprunter. Son adhésion intellectuelle à l'œuvre du Christ sur la croix ne fera jamais de lui un disciple de Christ, ne fera jamais de lui un fils ou une fille de la maison du Père. Si vous pensez d'une manière intellectuelle, eh bien cela va vous conduire vers un gouffre, l'enfer. Par contre, si vous avez vécu l'expérience de la nouvelle naissance, selon l'enseignement même de Christ, alors vous aurez franchi la porte qui s'ouvre sur deux chemins. La Bible les décrit soit comme resserrés et qui mènent à la vie, soit comme spacieux et qui conduit à la perdition éternelle. Je vous invite à lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, des versets 13 à 14, ce que Jésus dira. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. De votre choix va dépendre toute votre éternité et fera de vous soit un disciple véritable de Christ, soit un faux disciple, un chrétien de nom. » Alors que voulait dire Jésus en parlant ainsi? Eh bien, croire au Christ ne fait pas de vous automatiquement un disciple de Christ. Mais tout croyant en Christ peut devenir un authentique disciple de Christ. Comment? Par une volonté déterminée à obéir aux commandements de son maître, le Christ. Qu'est-ce qui fait la différence? Le Saint-Esprit et vous. Nous allons prendre trois exemples concrets de personnes pour comprendre ce que je veux vous dire aujourd'hui. Le premier exemple, la première personne, après avoir cru à l'Évangile, après s'être réellement et sincèrement repenti de ses péchés, en avoir reçu le pardon par le baptême d'eau par immersion, eh bien ce croyant né de nouveau, c'est-à-dire né de l'Esprit Saint, a accepté le principe de travailler à son salut, en amenant sa volonté à s'unir à son nouveau maître, le Christ, pour suivre ses directives et ses enseignements et les appliquer concrètement dans sa vie de tous les jours. Ce croyant-là est né de nouveau et son guide maintenant, c'est le Saint-Esprit. Il est entré par la porte étroite et marche sur ce chemin resserré dont parle le Christ. Il est resserré parce qu'il ne va pas s'agir pour ce croyant né de nouveau de mener sa vie comme autrefois. Il marche sur la voie du discipulat qui conduit à la vie éternelle. Désormais, il va pouvoir porter du fruit pour le royaume céleste pendant sa vie terrestre. Et s'il persévère dans la sanctification, sans laquelle, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 12 et au verset 14, « Personne ne verra le Seigneur », il aura pour fin une vie éternelle auprès de Jésus-Christ. Je vous invite à lire dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 3, ce que Paul enseigne. Prenons maintenant le second exemple. Cette personne, cette âme, a également cru à l'Évangile. Elle s'est réellement et sincèrement repentie de ses péchés et en a reçu le pardon également en entrant dans les eaux du baptême. Ce croyant-là est donc né de nouveau. Mais la différence entre le premier et lui, c'est que celui-ci entend bien continuer à mener sa barque comme il veut et il n'a pas du tout l'intention d'obéir au Saint-Esprit. Il ne veut pas amener sa volonté à s'unir avec celle de Christ et ne marche pas sur le chemin du discipulat. Il ne porte pas de fruits ou peu de fruits pour le royaume de Dieu puisque sa vie est centrée sur lui, sur ses désirs, sur ses objectifs et non sur ceux de Christ. En continuant à vivre ainsi, c'est-à-dire selon son ancienne vie, au gré et aux fantaisies de son ancienne nature, à commettre donc toujours des péchés, eh bien son salut lui échappera et il sera jeté dans les ténèbres du dehors. C'est ce que nous dit l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22 et au verset 13, c'est-à-dire loin de la présence de Dieu. Il aura beau frapper à la porte, comme les vierges folles de la parabole, eh bien, Jésus lui répondra aussi, « En vérité, je ne te connais pas. » Et à ceux qui auront renié la foi, qui auront renié la vérité, eh bien, Jésus déjà disait, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25 et au verset 12, « Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et d'ajouter, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est une réalité. L'auteur de la lettre aux Hébreux dira ceci, au chapitre 6 et au verset 4 à 8, nous lisons, « Il est impossible que ceux

elle ne connaît pas personnellement le Saint-Esprit et par conséquent, elle ne l'a pas invité à devenir son guide puisque sa foi est une foi intellectuelle. Elle ne connaît pas le renoncement aux œuvres mortes, elle ne connaît pas le renoncement au péché, elle vit comme le monde parce que elle appartient au monde. Elle vit donc dans l'ignorance et dans de profondes ténèbres spirituelles et elle n'a aucune chance d'entrer dans une éternité glorieuse en la présence de Christ, hélas. Elle ne connaît pas la voie du discipolat et elle ne marche pas sur le chemin étroit et resserré, mais bien au contraire, elle marche sur la voie spacieuse et sur le chemin qui mène à la mort éternelle. Eh bien, comme à mon habitude, avant de continuer, je vous poserai cette seconde question. Sur quel chemin vous êtes-vous engagé? Je vous exhorte vivement à faire votre examen de conscience afin de considérer vos voies et, si vous n'êtes pas sur le véritable sentier, sur ce chemin étroit et resserré dont parle Jésus, mais qui conduit à la vie, eh bien je vous exhorte à y aller très vite et à commencer une vie nouvelle avec Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alors la compromission, eh bien nous allons entrer maintenant beaucoup plus en profondeur dans ce thème. La compromission a un lien direct avec l'esprit du monde, et oui, et elle peut infecter celui ou celle qui, tout en ayant mis tout son cœur et sa volonté à obéir à son nouveau maître, a pu cependant dévier du chemin tracé, parfois inconsciemment, mais aussi parfois consciemment, pour emprunter d'autres chemins qui ont pour seul but soit de lui faire perdre son salut, soit de diminuer sa récompense finale. En empruntant ces chemins, sa vision du discipolat et de la sainteté qui est attachée s'est obscurcie. La lassitude, le manque de vigilance ou le manque d'enseignement approfondi de la signification de la croix en sont souvent la cause. Notre frère l'apôtre Paul exhortait les premiers croyants de son temps en leur disant, dans sa première lettre aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 12, « Travaillez à votre salut. » Il s'agissait donc d'un travail journalier auquel ils étaient invités. Or, si bien des choses changent dans notre monde, l'Évangile, lui, ne change pas. Il est toujours d'actualité et l'exhortation de l'apôtre Paul reste toujours valable. Nous sommes donc tous et toutes appelés à travailler à notre salut. Comment ? Eh bien, nous allons le voir à présent. Je vais tout d'abord m'exprimer d'une manière générale pour ensuite entrer en profondeur dans ce sujet. Il vous incombera alors de faire votre autocritique, d'en tirer les conclusions et d'agir en conséquence. Les hérésies et les déviations de l'Église sont nées de l'abandon des Écritures. Le seul moyen pour un croyant d'être préservé de l'erreur, eh bien, c'est de vérifier inlassablement tout ce qui est enseigné par l'Écriture. Il n'y a pas de sentimentalisme pour les idées qui surgissent de la pensée des hommes, quels qu'ils soient. Très tôt, le christianisme primitif a dévié. La tradition orale a pris le dessus sur le message du Christ et des apôtres, et il en est de même pour le judaïsme, qui a sa tradition orale, ainsi que pour toutes les autres religions qui sont issues de la pensée humaine. Dès les premiers siècles, de faux enseignements circulaires, et de nos jours, circulent encore. L'Église a perdu sa lumière en perdant le Saint-Esprit. Les hommes ont pris l'Église en main et ont ainsi chassé le Saint-Esprit, qui est le seul dirigeant infaillible de l'Église de Christ. Il n'y en a pas d'autre. Selon les écrits des premiers apôtres, y étaient rassemblés tous ceux et toutes celles qui étaient passés par l'événement capital de leur vie, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Or, de nos jours, à part quelques personnes qui ont réellement vécu cette expérience spirituelle, des millions d'hommes et de femmes de toutes les générations, de toutes les races, ont vécu et vivent dans l'hypocrisie et l'illusion sans même le savoir. Les enseignements qu'ils ont reçus et qu'ils reçoivent encore, et qui sont fondés sur la tradition des hommes, ont dépouillé l'Église de sa crédibilité et de sa puissance. L'Église officielle est devenue une Église de multitude où naît, se cultive et se propage une religion sans décision. Les églises en général et beaucoup de dénominations religieuses sont devenues des institutions qui se trouvent dans un grand besoin actuel de réforme. Si on y regarde de plus près, on constate qu'elles sont dépourvues de vie véritable et de puissance spirituelle. Les croyants qui adhèrent à l'esprit de l'erreur qui les habite ne verront jamais le ciel qu'elles leur promettent. La tradition, c'est du compromis. Elle porte en elle la mort. Et pour trouver la vie véritable, il vous faut passer par la nouvelle naissance. C'est le chemin que Christ a révélé et vous révèle personnellement aujourd'hui. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3, Jésus dira « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. » Dans l'Église de multitude, la nouvelle naissance n'existe pas. Ce qui y est prêché n'est autre qu'une mystique mélangée de morale ou de morale mélangée de mystique, et non pas la parole de la croix. L'Évangile social a remplacé l'Évangile tout court, et l'Église dite officielle insiste beaucoup sur ses œuvres sociales, sur son rôle civique et politique. Elle est riche en puissance financière, mais elle est totalement démunie de la puissance spirituelle que possédait l'Église primitive. De nombreuses autres dénominations suivent, hélas, sa trace. Leurs théologiens sont dans l'erreur et leur foi n'est qu'intellectuelle. Ces églises ne peuvent rien apporter à leurs brebis. Il n'y a plus de nourriture et le peuple se meurt. Il reste dans des ténèbres profondes et sur sa faim. Pire même, il ne sait pas que l'héberger qu'il suit le conduit vers l'enfer. Il ne connaît pas la voie du véritable berger et c'est regrettable, c'est dramatique. Et il faut donc, nous, les nés de nouveau, œuvrer activement pour que cela change, parce qu'il est question de la vie éternelle de millions d'individus. De plus, au fur et à mesure que le retour de Christ se fait proche, l'œcuménisme prend de l'ampleur. Au nom de la tolérance, cher à un président d'État bien connu et que je ne nommerai pas ici, se trouvent les partisans de l'unité à tout prix, y compris le compromis. Le Conseil œcuménique a pour but d'unir toutes les églises appelées chrétiennes, libérales ou non, dont les destinées sont généralement entre les mains de présidents dont certains sont incroyants et même blasphémateurs. Leur vie personnelle même démontre qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Le Conseil œcuménique est en effet une association d'églises qui accepte Christ comme Dieu et Sauveur. Toutefois, et vous devez le savoir, c'est très important, chaque église dans sa foi et manière de la pratiquer est libre de faire ce qu'elle veut. Et lorsque nous, les nés de nouveau, nous parlons selon la vérité, selon ce que la Bible enseigne, nous sommes taxés de fondamentalistes. Eh bien oui, ne leur en déplaise, nous le sommes. Le fondamentalisme sauve parce que Christ est au centre. En fait, l'unité que Jésus demande pour ses disciples est bien plus profonde. L'unité véritable est assurée par la pureté de chaque membre qui compose son corps terrestre. Or, pour être pur, il faut être séparé du monde. Il faut être séparé de l'esprit qui œuvre dans le monde, ce que ne sont pas les membres qui composent ces églises-là. L'évangile n'y est non seulement pas annoncé intégralement, mais il n'y est pas mis en pratique. Pour arriver à cela, la nouvelle naissance est nécessaire. Jésus a dit « Vous devez naître de nouveau », c'était un impératif. Et puis, Il faut saisir personnellement le salut, par la foi et non pas par les œuvres, puis mettre en pratique les enseignements de Christ avec l'aide du Saint-Esprit et l'obéissance à l'Esprit-Saint. Une Église dont les croyants ont été régénérés par le Saint-Esprit sont passés par la repentance et ont été baptisés par immersion pour le pardon de leurs péchés. Ce n'est qu'à ces conditions qu'ils peuvent alors être intégrés dans l'Église véritable, qui est, je le rappelle, le corps de Christ sur la terre. Ils participent ainsi à la Sainte Cène par le pain et le vin, et non pas par l'hostie. C'est cela l'Église de Jésus-Christ, et selon l'enseignement de Jésus lui-même et des apôtres. Mais l'entrée dans la vie spirituelle ne s'arrête pas là. Le bébé spirituel qui vient de naître va devoir grandir dans la connaissance de la volonté de son nouveau maître pour devenir, par l'expérience de la parole de Dieu et par l'obéissance au Saint-Esprit, cette créature nouvelle que Dieu vient d'engendrer à son image. Or, ce message puissant, eh bien, il n'est jamais enseigné par les partisans de la tradition parce qu'ils ne le connaissent pas, tout simplement. Il ne faut pas se cacher la face. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous sommes arrivés dans les temps de la dernière et grande séduction qui s'abat sur le monde. C'est la Bible qui nous le dit. Où l'infidélité spirituelle progresse et progressera encore au point d'amener sur la scène de ce monde l'Antichrist, autrement dit celui qui est contre le Christ, cet homme qui se proclamera Dieu et objet d'adoration par ses sujets. Nous connaissons tous ce passage dans la seconde lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, des versets 3 et 9. C'est Paul qui nous révèle cet antéchrist, selon également le livre de l'Apocalypse, que je vous invite à lire, au chapitre 13 et au chapitre 14, dans lequel Jésus nous révèle un avenir très sombre qui attend le monde apostate et impie à la fin des temps. Ce sera le résultat de l'apostasie. Or, nous savons que l'apostasie, eh bien, cela veut dire l'abandon de la foi en Christ. Et cette apostasie amènera cet homme à un pouvoir mondial satanique sur tous les peuples, et ceci avant le retour de Christ sur la terre d'Israël. Tous ceux qui auront adoré son règne, qui auront reçu sa marque, soit sur la main droite, soit sur le front, seront non seulement perdus pour l'éternité, mais tourmentés chaque jour de leur vie terrestre pendant la période de la domination de ce dictateur. La Bible révèle clairement que cette période troublée précédera la venue du Maître véritable, le retour de Jésus, le Christ, le Messie juif, le Sauveur d'Israël, son peuple, et le Sauveur, mais aussi le Seigneur des nations. Je vous invite à ouvrir le livre de l'Apocalypse et de lire dans le chapitre 13, dans le chapitre 14, des versets 9 à 10, et ainsi que le chapitre 20 et les versets 4 à 6. Si vous entendez cela, sachez donc que vous devez vous inquiéter sérieusement de votre condition spirituelle actuelle pour ne pas être pris, pour ne pas être prise à votre tour dans les filets de ce dictateur cruel qui vient. Sortez donc de vos illusions, sortez de votre chrétienté de façade, il est encore temps pour vous de revenir sur le bon chemin, de le découvrir, de le parcourir avec votre nouveau guide, le Saint-Esprit. Passons maintenant au compromis qui touche les nés de nouveau en entrant en profondeur dans ce thème. Le compromis ne touche pas seulement les chrétiens de nom, parce qu'ils y sont en plein malheureusement, et seulement une prédication musclée et ointe par le Saint-Esprit peut les électrocuter à salut. Mais le compromis touche également certains croyants dits professants. Le non-exercice de la discipline dans l'Église, la tolérance pour le péché ont fait que l'esprit mondain se trouve dans beaucoup de cœurs et donc dans beaucoup de vies. La discipline qui devrait être pratiquée dans l'Église par ses conducteurs, et qui était d'ailleurs brillamment exercée, je le répète, par les apôtres de l'Église primitive, eh bien elle n'est plus au menu du jour. Les raisons en sont multiples, mais probablement que certains responsables spirituels ne sont pas conscients de sa nécessité, et c'est très grave. Cela peut aussi, bien sûr, les arranger, et nous verrons pourquoi, j'en parlerai également. Le légalisme et la philosophie se sont installés un peu partout, et le retour à la pratique de la loi mosaïque frappe aussi certains chrétiens d'origine juive. Et pire que cela, je voudrais ajouter qu'elle trouve hélas de l'écho chez les chrétiens issus des nations. C'est un scandale et c'est une nouveauté qui est amenée par un vent de sentimentalisme humain, mais ce n'est pas le vent de l'Esprit de Dieu. Le message de la croix, ce message si simple mais si puissant, est quasiment oublié et remplacé par des enseignements de tout genre qui, dira Jésus-Christ, filtrent le moucheron et avalent le chameau. Ces enseignants de la parole la décortiquent mot à mot. Ils y cherchent un sens spirituel, parfois même selon la racine hébraïque. Ce n'est pas mal, c'est un exercice à la mode actuellement. Je ne veux pas dire que c'est mal, mais leurs messages sont démunis de puissance sur leur vie personnelle d'une part, et ensuite sur la vie de leurs auditeurs. Ils ont pour finalité de satisfaire l'intelligence et la connaissance, donc la chair. Et le désir du savoir prend le dessus sur la nécessité d'une nouvelle vie sous la conduite du Saint-Esprit. L'apôtre Paul ne manquait pas de dire que la connaissance enfle. Et le résultat, donc, c'est que l'enseignant et le croyant restent des êtres charnels, des croyants sans puissance sur leur vie personnelle et sans puissance envers leur prochain. Ils sont tous deux inutiles au royaume de Dieu. Or, l'apôtre Paul disait, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 20, « Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Et pour l'obtenir, cette puissance, il y a des conditions à respecter. Quelles sont-elles? Ce sont la sanctification journalière par la repentance et le renoncement, non seulement aux péchés et aux œuvres mauvaises, mais également le renoncement à soi-même, c'est-à-dire à sa propre vie, à ses propres ambitions, à ses propres désirs. Le moi doit être détrôné et soumis à Christ. Jésus dira dans l'évangile selon Jean au chapitre 12 et au verset 25, « Celui qui aime sa vie dans ce monde la perdra, mais celui qui hait sa propre vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. » C'est le programme divin. Et ce programme, en vérité, n'a pas été enseigné clairement par certains responsables spirituels, qui du reste, pour beaucoup, ne l'ont pas compris eux-mêmes, et qui, en plus, faute de sanctification, peuvent rester dans des liens spirituels consécutifs au péché qu'ils ont pratiqué dans leur vie d'avant leur conversion, et dont ils n'ont pas été délivrés. Et oui, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, tout n'est pas effacé. Le péché est effacé, Christ l'a porté sur la croix, mais nous devons mettre à mort certains péchés parce qu'ils sont coriaces, et il y a d'autres péchés qui sont liés à des puissances de ténèbres. Alors dire qu'un chrétien, un homme, une femme qui arrive à Jésus, qui est devenu un chrétien, un croyant né de nouveau, n'a pas besoin de délivrance, mais c'est une erreur grossière. Et ces démons ou ces esprits spirituels bloquent et peuvent amener à chuter gravement. Mais, d'un autre côté, si par contre la vérité a bien été saisie par le croyant, si elle a bien été prêchée par les responsables aux brebis, eh bien celles-ci ne se sont pas appliquées à la mettre en pratique. Cela est également vrai. C'est une réalité. Alors parmi les croyants assidus dans les églises, et même chez certains qui sont véritablement engagés, eh bien beaucoup démontrent par leur conduite personnelle et par la conduite de leurs enfants, par la conduite de leur famille, qu'ils ne sont pas nés de nouveau et qu'ils ne sont pas porteurs du véritable message de l'Évangile. Ce sont ni plus ni moins des croyants religieux, des croyants superficiels et n'hésitons pas à dire des hypocrites, qui renient le maître dont ils se réclament. Ils ne portent aucun fruit. Ils sont impliqués dans des activités mondaines tout azimut, ils adoptent le principe du monde, les actions du monde, les moyens du monde qui les entourent, et ils n'hésitent pas à les introduire dans l'Église, faute de ne pas manifester la puissance réelle et véritable du Saint-Esprit. Et ces croyants-là pensent, agissent et vivent selon l'esprit du monde. Ils n'ont pas appris à y vivre sans en user. L'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 13, dira qu'ils ne sont pas sortis hors du camp pour porter l'opprobre du Christ. Il n'est donc pas étonnant que les incroyants, c'est-à-dire les gens du dehors, ceux qui les regardent vivre, recherchent un bonheur factice, dirais-je, dans les dépravations et les innombrables séductions que le monde génère et que justement ces croyants-là acceptent dans leur vie personnelle. Ils ne sont pas des modèles à suivre. Et les gens du monde, les gens du dehors qui les regardent vivre, n'ont pas de modèles sains à suivre. Les dirigeants du troupeau, les dirigeants de ce troupeau-là, qui leur ressemblent, sont, dira Jésus, des bergers aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Ils n'ont pas compris qu'ils devaient devenir les témoins authentiques et palpables de l'amour du Christ envers leur prochain, hors de son camp. Alors, responsables spirituels, hélas, et brebis, cheminent ensemble sur le sentier de la perdition. Ils sont dans ce que j'appelle un christianisme formel, un christianisme sans vie. Le diable sait qu'il a peu de temps avant le retour de Christ. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et sachez bien qu'avant sa défaite finale, il continue d'œuvrer pour mûrir la compréhension de la puissance de vie qui se trouve dans l'Évangile et ainsi entraîner avec lui vers la perdition un maximum d'âmes. Et en vue de cela, eh bien, il utilise toujours les mêmes moyens. Il utilise toujours les séductions, en tout genre, il utilise toujours le mensonge, l'ambition personnelle, le désir de se faire un nom, de réussir sa vie professionnelle et donc terrestre, en oubliant qu'il y a un côté céleste aussi qui existe. Il continue de tenter, d'entraîner les personnes dans la sexualité dépravée, dans la fornication, de provoquer des adultères, des avortements en tout nombre, l'homosexualité qui prend de plus en plus d'importance, de donner du mal, de créer le mal par la drogue, l'alcool, de créer aussi des désirs insensés par l'amour de l'argent et des biens matériels, sans parler également de l'occultisme, de la sorcellerie qui touche également des chrétiens. Croyez bien qu'il met tout en œuvre pour que l'évangile de Christ reste voilé. Et Satan s'est très bien œuvré avec les apostates également. Et au travers de personnes totalement athées ou hypocrites, pour installer une nouvelle façon de vivre entièrement tournée vers le moi, une vie exempte de toute notion de péché, où tout peut se faire parce que rien n'est répréhensible. Et l'apôtre Paul le dira dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 3. Le diable s'est manœuvré pour attiédir les chrétiens, les nés de nouveau, en les influençant pour flirter avec l'esprit du monde et pour en accepter ses compromis. Alors le compromis, eh bien, c'est le moment de le dénoncer et je vais le faire pour votre édification et non pour votre destruction, comme le dira l'apôtre Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens et au chapitre 13 et au verset 10. Il faut dénoncer le compromis et c'est ce que je vais faire. Voyons donc à présent de quoi il s'agit. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5 et au verset 24, « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir leur propre nature avec ses passions et ses désirs. » Et il ajoutera, au chapitre 6 et au verset 14, « Le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Et c'est également votre situation et notre situation à nous, les nés de nouveau, est la vôtre si toutefois vous êtes véritablement nés de nouveau. Nous sommes crucifiés pour le monde et le monde est crucifié pour nous. Alors pourquoi l'imiter? Pourquoi imiter encore les choses de ce monde? Pourquoi conservez-vous l'esprit du monde puisque vous avez reçu l'esprit de Christ? N'avez-vous donc pas appris à renouveler votre intelligence? Si vous semez ce qui plaît à votre nature, alors il n'est pas étonnant que vous ne moissonniez rien pour le royaume de Dieu et que les païens qui sont là dehors encore ne soient pas attirés à Christ. Et moi je dois le dire avec beaucoup de tristesse, beaucoup de nés de nouveau n'ont pas appliqué la parole à leur cœur. Ils n'ont pas appliqué ces versets de Paul à leur vie et n'ont donc pas fait mourir leur ancienne nature. Peut-être faites-vous partie de ce lot. Vos actions, vos habitudes, vos comportements sont-ils ceux du monde? Si c'était le cas, eh bien sachez que vous demeurez les enfants d'un autre Père. Le Saint-Esprit n'est pas votre maître. De qui êtes-vous donc l'ambassadeur? De qui êtes-vous donc l'ambassadrice? De qui êtes-vous donc les ambassadeurs? L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 3 et au verset 2 « Préoccupez-vous de ce qui est en haut, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts à ces choses. » Est-ce le cas pour vous? Pouvez-vous vous poser honnêtement cette question? Pour quel but je vis? Et encore celle-ci, quel est mon style de vie? Êtes-vous attaché à votre bien-être, à votre confort? Êtes-vous attaché à vos biens personnels? Savez-vous qu'ils peuvent alourdir votre marche et vous empêcher de répondre présent à l'appel du Saint-Esprit pour une œuvre à laquelle il vous destine? Vivez-vous pour vous enrichir? Vivez-vous pour investir dans ce monde dans lequel, je vous le rappelle, tout comme l'apôtre Paul vous le rappellerait, vous n'êtes qu'un passager? Vivez-vous pour posséder des maisons, des champs, des biens de toutes sortes, des terrains, des voitures, des biens qui satisfassent vos caprices? Vivez-vous pour acquérir des biens temporels et peut-être amasser pour votre famille, pour vos enfants qui, pour certains d'entre vous, ne sont même pas croyants? Ils vivent sans foi, ils vivent sans loi, et leur comportement païen même offense Christ, et ils détruisent également votre témoignage chrétien. Et vous allez amasser de l'argent pour des enfants qui ne veulent pas se convertir? Savez-vous que l'œuvre de Dieu souffre de votre indifférence? Eh oui, et même beaucoup de votre indifférence. Dieu donne des biens, mais pour l'Évangile, pour qu'il soit prêché, pour que des âmes soient sauvées, pour que des œuvres voient le jour. Je ne veux pas dire par là que Dieu ne donne pas des biens pour que nos enfants et vos enfants en aient la jouissance, mais s'ils ne sont pas chrétiens, cet argent ne leur revient pas. De quelle manière dépensez-vous l'argent que Dieu vous donne? À fumer des cigarettes qui détruiront très certainement votre vie? À changer de voiture selon le goût du moment ou selon votre plaisir? À vous monter peut-être une superbe garde-robe selon le temps et la mode qui passe? Ou bien peut-être placez-vous votre argent dans des opérations commerciales ou boursières qui peuvent capoter du jour au lendemain? Alors que le royaume de Dieu souffre de votre avarice? La Bible dit ceci dans la première lettre de Jean au chapitre 2, des versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas en lui d'amour pour le Père. Tout ce qui appartient au monde, les mauvais désirs de la nature humaine, le désir de posséder ce que l'on voit, et l'orgueil suscité par des biens terrestres, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde est en train de passer, ainsi que tout ce que les hommes trouvent à y désirer. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, vit pour toujours. Un conseil, frères et sœurs. Un conseil, vous qui m'écoutez, sachez que si vous aimez posséder de l'argent, vous êtes dans la séduction. Sachez recevoir ce conseil avec humilité. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne cherchez pas à vous enrichir parce que l'argent, dira l'apôtre, est une racine de tous les maux et il vous éloignera très certainement de la foi. Paul ne manquait pas de rappeler que l'argent est une racine de tous les maux dans sa première lettre à Timothée au chapitre 6 et au verset 10. Vivez humblement et recherchez la richesse du ciel qui est de vivre dans la présence et dans la puissance de l'Esprit-Saint. Vivre une vie nouvelle, une vie qui paraît très sûrement insignifiante aux yeux du monde, mais combien elle est puissante aux yeux de Dieu. Et elle est très sûrement en accord avec les voies enseignées par Jésus-Christ. La terre n'est pas un lieu désirable, oh non. Mais le ciel, eh bien, c'est le lieu auquel vous devez aspirer. Bien sûr, nous vivons sur cette terre et nous avons, et j'ai besoin du nécessaire, mais je vous conseille, tout comme je me conseille tous les jours, d'appliquer ce verset de la parole de Dieu qui dit « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira ?» Nous trouvons ce conseil, cette exhortation de l'apôtre Paul dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 6 et au verset 8. « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira ?» Et Paul d'ajouter « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et il dira encore ceci « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Et enfin, il dira aussi « Pour ceux qui me concernent, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Relisez l'épître de Paul aux Galates. Relisez les chapitres 2, les chapitres 5 et le chapitre 6. Jésus dira également dans l'évangile selon Jean au chapitre 12 et au verset 24 « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Êtes-vous crucifié? Ou bien avez-vous quelque passion asservissante du monde? Par exemple, les jeux électroniques? Ou les gadgets? Ou la télévision? Parlons-en de la télévision. Combien d'heures passez-vous devant votre poste de télévision à regarder la vanité du monde et ses séductions? Mais c'est un appareil qui ne devrait même pas se trouver dans la maison d'un véritable disciple de Christ. Savez-vous que la publicité qui accompagne généralement chaque livraison d'un poste de télé est celle-ci? Le monde est entré chez vous. Eh bien oui. Le monde est entré effectivement chez vous parce que beaucoup d'esprits de ténèbres et d'esprits impurs sont véhiculés par la télévision. Les images que vous regardez lient votre regard même sans que vous le sachiez, et les paroles que vous entendez infectent vos oreilles et vos pensées. Eh bien, la nuit, cela se traduit par des rêves impurs et le jour en désirs immodérés. Les dieux sportifs de ce monde, est-ce qu'ils vous passionnent? Je veux parler du mondial du foot, ou de la finale du rugby, qui passionne tout autant un chrétien qu'un païen. Je veux également parler du tournoi de tennis, des Jeux olympiques où les hommes et les femmes courent après des médailles corruptibles. Les admirez-vous? Leurs posters se trouvent-ils dans les chambres de vos enfants? Parlons de vos loisirs. Sont-ils sanctifiés ou sont-ils ceux du monde? Les passez-vous à faire du lèche-vitrine et à acheter plus que de raison? Où passez-vous vos vacances? Pourriez-vous me répondre honnêtement? À la piscine? Au bord de la plage, au milieu de l'impureté du monde dont vous en admirez les actes? Osez-vous vous vêtir d'un maillot de bain? Enfin, je devrais plutôt dire vous dévêtir. Exhibez votre corps qui est le temple du Saint-Esprit, du moins si l'Esprit de Dieu habite en vous. Sans oublier les plaisirs païens tels que le cinéma, avec ses films de violence, ses films immoraux, sensuels, inspirés par les puissances de ténèbres qui régissent ce monde. Combien de voyages, de déplacements dépouillent votre bourse? Dépensez-vous égoïstement votre argent dans le but de vous détendre, de vous promener, de vous satisfaire? Combien de fois organisez-vous vos voyages, vos déplacements? N'avez-vous jamais songé à en remettre la somme pour un frère ou une sœur qui est peut-être dans le besoin ou pour l'avancement du royaume? Dieu aime que nous ayons des moments de détente, des moments de repos. Mais le tout est de savoir où vous passerez ces moments et avec qui. Parlons de la musique à présent. Aimez-vous la musique du monde? Les posters de ces artistes trônent-ils dans votre maison, dans les chambres de vos enfants et sur leurs vêtements? Organisez-vous des concerts? Pour Jésus, me direz-vous, oui, cela va de soi, bien entendu, mais au fait, où trouvez-vous le mot concert? Je n'ai jamais trouvé ce mot dans ma Bible, et il ne peut pas s'y trouver puisque c'est un mot du monde. Alors utilisez-vous les rythmes inspirés par les ténèbres de ce monde pour rendre un culte à Dieu? Utilisez-vous les rythmes qui produisent des cris sauvages que l'on appelle manifestation de l'onction, qui produisent des tortillements, des déhanchements ou qui produisent des danses inspirées par l'enfer? Mais quel Dieu aimez-vous? Quel Dieu honorez-vous? Sachez bien ici qu'un concert n'est pas un culte. Connaissez-vous la douce musique du ciel? Celle qui vient se mêler à nos louanges, à notre adoration? Celle qui fait descendre les anges et qui amène l'onction, la présence de Dieu? La Bible dit « N'ayez aucune part aux œuvres inutiles de ceux qui agissent dans l'obscurité. On a honte même de parler de ce que les gens font en cachette. » Relisez la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 11. Toutes ces choses n'ont qu'un seul but, vous empêcher de devenir une personne spirituelle à la ressemblance de votre maître, de passer du temps avec Dieu, avec Jésus-Christ, de vous séduire pour vous éloigner du véritable but, à savoir vous faire rater le rassemblement prochain des élus qui va se produire lors du second avènement de Jésus-Christ, ou si ce temps n'était pas encore arrivé, eh bien de vous voler votre éternité dans sa présence. Alors qu'ajouterais-je encore? Votre parler glorifie-t-il le Seigneur? Ou faites-vous partie de ceux et de celles qui exercent leur langue de vipère sur les forums chrétiens? Il y en a, et il y en a beaucoup. Vos tenues vestimentaires glorifient-elles le Seigneur? Vous promenez-vous le ventre dénudé dans un pantalon moulant ou avec des vêtements en tissu transparent? Votre conduite glorifie-t-elle le Seigneur? Soignez-vous votre apparence ou bien vous confondez-vous avec le monde? Avez-vous des tenues négligées? Avez-vous fait percer votre nombril? Votre nez? Votre langue? Avez-vous fait imprimer des tatouages sur votre corps alors que vous êtes en désobéissance au commandement du Seigneur en apposant la marque du diable sur votre peau? Messieurs, vos cheveux sont-ils colorés ou décolorés? Osez-vous vous présenter ainsi devant le Seigneur? Osez-vous vous réclamer de son nom et prétendez-vous être encore son disciple ou sa disciple? Je vais parler également des mauvais comportements. Je veux parler de l'adultère qui frappe les foyers, qui frappe les pasteurs et les responsables spirituels. Je veux parler du divorce qui est généralement admis dans les consciences et dans l'Église, du flirt entre jeunes et moins jeunes, des coucheries pendant les fiançailles et avant le mariage, que la Bible appelle la fornication, de l'avortement, et oui, même dans les milieux chrétiens, qui tue des milliers d'êtres humains chaque année, du non-exercice de l'autorité parentale sur les enfants, de la démission des parents, du concubinage notoire et de l'humour chrétien. Ah oui, parlons-en de l'humour chrétien qui fleurit sur le net au travers de nouveaux sites dont les initiatives sont encouragées par certains ministères, certains serviteurs et servantes de Dieu bien connus et qui cependant ne servent pas à grand-chose si ce n'est qu'à divertir la chair. Qu'il me soit permis de vous rappeler que l'humour ne fait pas partie du fruit de l'esprit, mais qu'il se trouve assurément dans le fruit de la chair. Or, le monde présent n'a vraiment pas besoin d'humour, mais de joie, de paix et de bonheur éternel. Il a tellement besoin de connaître l'amour de son Créateur. Ne croyez-vous pas que c'est beaucoup mieux? Combien sont égarer ceux qui croient que c'est une des facettes de Jésus-Christ que l'humour. L'amour, oui. L'humour, non. Je dénoncerai aussi l'aveuglement et la situation ténébreuse dans laquelle se trouvent quelques responsables de communauté. Ils se sont tellement écartés de la parole de Dieu qu'ils vont même jusqu'à accueillir la communauté des gays, des homosexuels dans l'église en leur disant « Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu t'accepte tel que tu es. » Mais c'est faux. Dieu certes aime l'homme et la femme en tant que créature, mais il hait le péché qui l'habite. Il désire l'en délivrer. Et ces personnes homosexuelles qui se livrent à ce plaisir impur ont à se repentir sincèrement de leur honteuse pratique. Elles ont transgressé le commandement de Dieu qui dit, dans le livre du Lévitique, je le rappelle au chapitre 20 et au verset 13, « Si un homme couche avec un autre homme comme on couche avec une femme, ils se rendent tous les deux coupables d'une action monstrueuse et doivent être mis à mort. » Ils sont les seuls responsables de leur mort. Il en est de même pour deux femmes qui commettraient une semblable action, ou pire, qui auraient des relations avec un animal. La sanction sous l'ancienne alliance, c'était la mort. Mais dans la nouvelle alliance, sur la nouvelle alliance, à cause du sacrifice de Christ sur la croix et de sa vie livrée pour le pardon des péchés, eh bien ces personnes peuvent obtenir grâce et peuvent être délivrés de leur tendance homosexuelle qui leur est donnée par des démons et par des puissances de ténèbres. C'est une pratique inspirée par les ténèbres, par des démons. Et ces personnes peuvent être délivrées à condition qu'elles le désirent sincèrement, qu'elles se repentent et qu'elles disent « à mort mon péché » et qu'elles l'abandonnent, bien sûr. Elles sont appelées, comme tous les pécheurs, à délaisser cet horrible péché et à être baptisées pour le pardon de leurs péchés. Mais si elles refusent, elles n'ont rien à faire dans l'Église de Jésus-Christ. La véritable Église de Christ est composée, je le répète, de gens nés de nouveau. Et j'insiste sur ce mot. Ils y sont entrés par une repentance sincère et par un retour inconditionnel à Dieu. Quiconque est lié par une passion, que ce soit le jeu, l'argent, la haine, par une sensualité dépravée, quelqu'un qui pratique l'adultère, l'homosexualité, lié par la drogue, par l'alcool, par le vin, par le tabac, quiconque pratique la magie et la sorcellerie peut être libéré maintenant, pourvu qu'il s'en remette à la puissance du Fils de Dieu et qu'il le reconnaisse comme son sauveur. Mais si vous aimez votre péché et que vous refusez de l'abandonner, alors nous, Église de Christ, nous n'avons plus rien à voir avec vous. Vous ne pourrez pas entrer dans sa maison et ce sera à cause de votre choix personnel. Vous ne pourrez pas accuser qui que ce soit. Vous ne pourrez accuser que vous-même. Je le répète, l'Église de Jésus-Christ est composée d'hommes et de femmes nés de nouveau. Et les églises qui ne tiennent pas ce discours sont de fausses églises et leurs membres de faux disciples. Je terminerai ce message en abordant maintenant un autre sujet, le service pour Dieu, qui peut devenir, hélas, une occasion de chute. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'ambition et le désir d'argent motivent parfois la vocation. Chaque fois que nous naviguons sur Internet, il ne se passe pas un jour sans que nous apprenions qu'un ministère ait été séduit, qu'il s'est égaré et qu'il a chuté. Alors je poserai cette question, frères, sœurs, pour qui organises-tu des rencontres? Pour qui organises-tu des conventions? Pour qui organises-tu des rassemblements, des séminaires? Et pour qui organises-tu des voyages en Israël? Et oui, il faut aussi en parler. Des voyages organisés en Terre Sainte. Est-ce pour ta renommée personnelle? Est-ce pour ta gloire personnelle? Pour remplir tes poches, ton compte bancaire? Ou est-ce sur les ordres du Seigneur que tu t'actives? Jésus dira, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5 et au verset 36, « Je ne fais que les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. » Jésus ne faisait rien qui ne soit dans la volonté de son Père. C'est pourquoi Jésus portait beaucoup de fruits et manifestait l'Esprit sans mesure. Eh bien, actuellement, une nouvelle génération de ministères apparaît qui ne manifeste pas la puissance du Saint-Esprit, mais qui force pour la faire venir. Mais ça n'est pas du tout biblique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, récemment, il nous a été donné de visionner une vidéo dans laquelle un jeune ministère prêchait sur l'œuvre de Christ et appelait les personnes présentes à croire qu'elles pouvaient recevoir leur guérison. Mais quelle n'a pas été notre tristesse de constater que les personnes souffrantes qui s'approchaient pourtant avec espérance et foi pour recevoir leur guérison repartaient comme elles étaient venues. Il n'y avait pas eu de miracle. Il n'y avait pas eu les miracles annoncés et finalement, le prédicateur est descendu de son estrade pour se mêler dans la foule. Il s'est approché des personnes en leur posant ce genre de questions. Comment vous sentez-vous? Qu'avez-vous ressenti? Allez-vous mieux? Etc, etc. Mais les visages restaient fermés. Et un sourire pâle et triste se dessinait sur les lèvres. Mais bien sûr, rien ne s'était produit. Et le prédicateur, alors, de prendre la main de la personne pour la rassurer, pour tenter de la persuader que le miracle pouvait encore avoir lieu, ou il l'engageait à marcher, si c'était là son problème, ou à remuer son bras, sa jambe, si c'était là son problème, alors que, manifestement, l'Esprit Saint, hélas, n'était pas présent sur lui, n'était pas présent dans sa prédication. Et il n'était pas présent dans la salle, du moins il ne voyait pas par le ministère, par ce service. Mais en regardant de plus près le prédicateur, eh bien son apparence, sa tenue vestimentaire et même son métier dans le monde démontraient qu'il appartenait plus au monde qu'à Christ. Il ne s'était pas séparé de l'esprit du monde. Il était bel et bien relié. Et l'organisateur pouvait bien exhorter les participants à ne pas regarder à l'apparence du prédicateur, mais le résultat était là. L'onction était absente sur lui. D'autres insinuent qu'il faut se préparer pour recevoir sa guérison. Mais dites-moi, où trouvons-nous ce genre de conseil dans la Bible? Frères et sœurs, il y a des conditions pour recevoir l'onction. Elle a du prix et elle coûte cher, je dirais même très cher. Cet homme et bien d'autres hommes et femmes devraient se poser cette question, mais par qui ai-je été appelé à exercer ce service? Est-ce par les hommes ou est-ce par Dieu? Où me le suis-je attribué, moi-même, ce service? Et si je n'ai pas de résultat, et si l'onction n'agit pas bien, à quoi cela est-il dû? Ils sont hélas nombreux et celles qui n'ont pas la puissance dans le service pour Dieu. Regardez et examinez autour de vous qui est donc revêtu de l'onction, qui est donc manifeste la présence et la puissance de l'Esprit. Alors le mot d'ordre du ciel, le mot d'ordre de l'Esprit, c'est de revenir sur le sentier de la vie et renoncer à tout afin de gagner Christ. C'est encore l'apôtre Paul qui nous dit ceci dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 3. Tel est le mot d'ordre du Saint-Esprit. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu désire une épouse pure et fidèle pour son Fils. Une épouse détachée de tout lien terrestre. Et c'est à cela que vous êtes appelés, à faire partie de l'épouse de Christ. Dieu connaît parfaitement les siens et il connaît parfaitement bien l'état spirituel de ses créatures. Croyant en son Fils ou incroyant, eh bien, aucune âme vivant dans ce monde n'est cachée à ses yeux. C'est encore la Bible qui nous dit ceci. Parce que Dieu aime le monde, il a envoyé son Fils pour le sauver et pour lui montrer un chemin différent et bien meilleur que celui qu'il suit chaque jour. Son amour ne change pas, il reste entier. Mais cependant, aussi certain que Dieu est amour, Dieu est aussi un Dieu de jugement. Et il ne tolère pas le péché, il ne tolère plus le péché dans son peuple, surtout dans ceux qui professent leur foi, dans l'œuvre expiatoire de son Fils à la croix. Et aussi certains frères et sœurs que Christ apparut une première fois pour ôter le péché du monde, eh bien la Bible dit que le Fils de Dieu apparaîtra une seconde fois pour juger les incrédules et ceux qui se proclament de son nom et ceux qui pratiquent encore le péché. Nous lirons dans la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1, des versets 7 à 9, à 10, pardon, « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Jésus entrera de nouveau dans ce monde, dans notre monde matériel, pour ôter son Église fidèle et pure qui sera composée de tous ceux et de toutes celles qui se seront sanctifiées et auront attendu son avènement. Les autres, les rebelles, les désobéissants, les tièdes resteront sur cette terre et seront alors en proie à de très grands tourments. Et pour finir, la mort éternelle dans l'enfer sera le lieu éternel de souffrance dans lequel ils passeront l'éternité. Jésus donnera lui-même à ses disciples le saint conseil de se tenir prêts et d'avoir leur lampe toujours allumée, c'est-à-dire remplie d'huile en prévision de son retour et des noces qui les attendent. Je vous invite à lire la parabole des vierges sages et des vierges folles que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25. Êtes-vous prêts? Êtes-vous remplis d'huile, c'est-à-dire du Saint-Esprit? Vous êtes-vous sanctifiés et vous sanctifiez-vous? Journellement, travaillez-vous à votre salut avec crainte et tremblement? Eh bien, pour conclure, je dirais ceci, que mon désir profond à cet instant est que tous ceux et toutes celles qui écouteront ce message prennent le temps de la réflexion pour examiner la voie qu'ils ont empruntée ou qu'elles ont empruntée. Il s'agit pour vous, il s'agit pour nous tous de passer par la porte étroite afin d'emprunter ce chemin resserré sur lequel Christ promet de vous accompagner et de nous accompagner. Il vous devancera pour vous préparer la voie en vous montrant toutes les difficultés qui s'y trouvent, mais comme un bon berger, il vous donnera les moyens et la force de les surmonter afin que vous puissiez continuer à y cheminer en vainqueur. Et au bout de ce chemin se trouve la cité de Dieu, la cité dans laquelle Jésus-Christ lui-même vous attend. Alors, croyant né de nouveau ou croyant de non, eh bien un examen de conscience s'impose et je vous invite à le faire. Il y va de votre salut éternel. Sortez du monde. Sortez du monde organisé à la matière des hommes, à la manière des hommes et de l'esprit du mal qui régit ce monde, pour entrer dans le royaume de Dieu sur la terre, guidé par l'Esprit de Dieu. Oui, le royaume de Dieu est déjà sur la terre parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Découvrez le Dieu Tout-Puissant. Découvrez la réalité de la troisième personne de la Triunité de Dieu, le Saint-Esprit qui est présent dans ce monde pour guider, pour éduquer, pour guérir, pour consoler et pour exhorter les fidèles disciples Jésus-Christ. Il est encore présent au milieu de nous. Suivez-le et vous obtiendrez ainsi la vie véritable jusque dans l'éternité. Amen. Cet audio, qui est disponible sur le site de la Maison de Jérusalem, est également disponible sous forme de document PDF. Vous pourrez le télécharger sur le site internet de la Maison de Jérusalem, qui est celui-ci, www.lamaisondejerusalem.com. Je vous exhorte à l'imprimer, à le méditer et à obéir à votre Sauveur et votre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt pour un autre enseignement et que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen.